بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يا أيها الإخوة nous sommes donc toujours dans l'explication et la définition des 8 catégories de bénéficiaires de la zakat qui sont issus de la parole d'Allah عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc le verset 60 de surat At-Tawbah dans lequel Allah Azza wa Jal a donc cité les 8 bénéficiaires, les 8 catégories de bénéficiaires de la zakat. Et on avait donc vu les deux premières catégories donc sur lesquelles on s'est attardé parce qu'elles sont importantes. Al-Fakir ou Al-Meskin. Et donc, la troisième catégorie de bénéficiaires de la zakat, c'est Al-Amilin Aliha, ceux qui y travaillent. Et ceux qui y travaillent, ce sont ceux qui sont chargés de faire ce travail par ce qu'on appelle Wali ul-Amr, le détenteur du pouvoir. Donc, les travailleurs de la zakat, ce sont ceux que le détenteur du pouvoir, le gouverneur musulman ou toute autre personne détenteur de l'autorité, ou la personne se substituant à lui, comme un ministre ou autre, envoie donc pour collecter la zakat, et pour la sécuriser, la stocker et la distribuer. Et toute personne donc dont on peut avoir besoin dans cet objectif entre dans cette catégorie. Toute personne dont on peut avoir besoin dans l'objectif de collecter, sécuriser, stocker et distribuer la zakat, donc il entre dans cette catégorie de personnes, la amilina aliha, ceux qui travaillent. Donc, il faut pour cela qu'il soit envoyé par le détenteur du pouvoir ou de l'autorité. Par contre, l'imam Ibn Qudama, dans son livre Al-Mourni, il dit que ceux qui sont, par exemple, chargés de peser la marchandise, de peser la zakat, afin que par exemple, si c'est des récoltes agricoles, ceux qui sont chargés du pesage, afin que le collecteur de la zakat, qu'on appelle Asai ou El-Jabi, la récupère, ceux-là sont payés par le propriétaire des biens. Donc ceux-là, qui sont chargés de peser, par exemple, de faire le pesage, afin que le collecteur de la zakat récupère la zakat en question. Cela, l'imam Ibn Qudama, donc, dans son livre Al-Mourni, il voit donc qu'il est d'avis que cela, leur salaire, est à la charge du propriétaire des biens. Et ils ne sont pas comptés parmi la Amilina Aliya, les employés de la zakat. Parce que ceci, d'après lui, ceci fait partie des frais que le propriétaire des biens doit engager pour sortir la zakat. Donc ceux-là, on ne leur donne pas donc l'argent de la zakat comme salaire parce qu'ils n'entrent pas dans la catégorie de ceux qui en sont les bénéficiaires. Ils n'entrent pas donc dans la catégorie de ceux qui en sont les bénéficiaires. Les employés donc sont ceux, la amilina aliha, les employés de la zakat sont ceux donc qui interviennent à partir du moment où la zakat est sortie et récupérée. Donc celui-là qui la collecte, celui-là qui est chargé de la consigner dans des registres, celui qui est chargé de la stocker, de la sécuriser. Par exemple, il peut être le berger des troupeaux, il peut être le berger des troupeaux issus de la zakat. Il peut être celui qui s'occupe des troupeaux issus de la zakat. Et celui qui est chargé de la peser, par exemple, au moment de la distribution. Donc celui-ci, par exemple, Celui qui est chargé de la peser au moment de sa distribution, lui, il fait partie des employés, contrairement à celui qui, par exemple, on doit récupérer de la zakat au magasin d'un commerçant. On doit récupérer de la zakat au magasin d'un commerçant. Maintenant, il faut peser cette zakat avant de la récupérer. Le pesage de cette zakat, ou bien les employés qui vont être employés pour peut-être porter la marchandise et pour la mettre à disposition du collecteur. Donc ceux-là, ils sont à la charge donc à la charge du propriétaire des biens. Et donc, c'est une fois que les biens sont récupérés, donc ils sont récupérés par le collecteur Sa'i ou El-Jabi. Donc, à partir de ce moment-là, donc, toute la chaîne qui s'occupe donc de, à partir du moment où la zakat est récupérée jusqu'à la distribution, toute la chaîne, donc ceux-là, ils font partie donc des employés de la zakat. Donc toute personne intervenant dans ce processus, à partir du moment où la zakat est récupérée jusqu'à ce qu'elle soit distribuée, toute personne intervenant dans ce processus et qui accomplit un travail hein, de la collecte jusqu'à la distribution, de la collecte jusqu'à à la distribution donc aux bénéficiaires et aux ayants droit, toute personne travaillant et accomplissant un travail dans ce processus, il est compté donc parmi les employés de la Zakat. Ceci à condition qu'il soit envoyé, hein, c'est une condition, à condition qu'il soit envoyé et employé par le détenteur du pouvoir, l'émir, le gouverneur, le président ou toute autre personne, le wali ul-amr, donc toute autre personne agissant sur ordre de ceci, donc le wali ul-amr, pour que la personne soit un employé de la zakat, il faut absolument qu'il soit envoyé par le wali ul-amr, qui est donc le détenteur du pouvoir ou l'autorité, ou toute personne qui se substitue à lui, comme un ministre par exemple, ou toute autre personne que le détenteur du pouvoir aura délégué pour cette tâche. Donc si un commerçant par exemple charge quelqu'un de distribuer sa zakat qui est abondante, parce qu'il peut y avoir par exemple des grands commerçants qui ont énormément de zakat, et il faut absolument qu'il charge quelqu'un pour distribuer cette zakat, par exemple, puisqu'il est dans un état où l'État ne dans un pays où l'État ne collecte pas la zakat, par exemple, il est donc obligé de réunir cette zakat-là et de la confier à quelqu'un qui va être chargé de distribuer cette zakat aux bénéficiaires, aux ayants droit. Donc, dans ce cas-là, celui à qui on a le commerçant a confié cette tâche-là, on ne l'appelle pas, il n'entre pas dans, il ne fait pas partie de ce qu'on appelle el amilina alayha. Donc, on ne lui verse pas la zakat comme salaire. Le commerçant qui l'a chargé de cette tâche doit lui payer son salaire de son propre argent. Donc, il n'est pas permis qu'on prenne l'argent de cette zakat pour payer cette personne-là qui a été chargée de distribuer la zakat pour le commerçant. Parce que dans ce cas-là, il s'agit ici d'un wakil. Il s'agit ici juste d'un wakil. Et el-wakala, donc c'est quelqu'un qu'on a. Il s'agit juste d'une délégation. C'est quelqu'un qu'on a délégué pour une tâche. C'est quelqu'un qu'on a chargé d'accomplir une tâche. Et ça a d'autres jugements, donc, dans la charia. Ça a d'autres jugements. Et il n'entre pas, il ne fait pas partie, cette personne-là, de l'amilina alayha. Donc, ce jugement concerne donc aussi toutes les associations, fondations et organismes qui peuvent collecter la zakat à notre époque pour la distribuer. Donc, tous ceux qui font cela, il ne leur est pas permis de se payer, de se rémunérer avec l'argent collecté. Il ne leur est pas permis donc de se rémunérer avec l'argent collecté car ils ne font pas Ils ne sont pas des employés de la zakat. Ils ne font pas partie de l'amilina aliyah. Car ils ne travaillent pas pour le compte d'un État, d'un gouverneur ou d'un détenteur du pouvoir. Donc ceci est un point très important, car à notre époque, beaucoup jouent sur cela. Beaucoup jouent sur cela. Donc quand ils collectent des zakats, les États ayant abandonné cette prérogative qui est la leur, beaucoup d'États musulmans ayant abandonner cette prérogative qui est la leur, il laisse donc certaines associations, certaines fondations, il leur laisse le champ libre pour collecter la zakat, et donc certaines personnes font ce genre d'interprétation en disant que donc ils prennent une partie des fonds collectés, ils se payent, donc ils se rémunèrent avec en disant qu'ils sont des employés de la zakat, ce qui est donc faux et un jugement donc faux et erroné. Donc, il est important de préciser cela. Il faut impérativement, pour qu'il puisse bénéficier de la zakat en tant qu'employé, qu'il soit chargé de cela par un détenteur de l'autorité et du pouvoir, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque lorsqu'il envoyait donc As-Su'at, qui est donc le pluriel de Asai, donc les employés donc chargés de la collecte. Donc il envoyait donc As-Su'at pour aller récupérer la zakat. Et comme l'ont fait Al-Khulafa, les califes bien guidés après lui. Et donc dans ce cas-là, l'employé de la zakat, il est envoyé par le wali al-amr, le détenteur de l'autorité. Dans ce cas-là, il est payé avec l'argent de la zakat. Et ceci, même s'il est riche, ceci, même s'il est riche, même s'il est riche, donc on lui verse l'argent de la zakat. Et on lui verse son salaire en fonction donc du travail accompli. Donc on lui verse son salaire en fonction du travail accompli. Al-Amil, celui qui travaille, donc qui est employé pour la zakat, on lui verse son salaire en fonction du travail qu'il a accompli uniquement, sans plus. Donc si par exemple on a établi avec lui que lui il va juste collecter la zakat et son salaire s'étend, on lui verse juste son salaire par rapport à ça, c'est tout. Et chacun selon sa tâche, donc celui qui est chargé de la stocker, de la sécuriser, chacun donc aura son salaire. Celui qui est chargé de distribuer, de la diviser et puis de distribuer, donc chacun aura son salaire en fonction de la tâche accomplie. Donc, et par exemple, l'Amil, on lui verse juste son salaire, mais si par exemple il fait partie des pauvres et que ça ne lui suffit pas, il est permis donc dans ce cas-là, il a le droit de toucher la zakat en tant que pauvre aussi. Donc quelqu'un peut être par exemple employé à la zakat, on lui verse son salaire pour la tâche qu'il accomplit, mais il est aussi, c'est quelqu'un qui est dans le besoin parce qu'il est aussi pauvre, donc il lui est permis de toucher aussi encore la zakat. Si son salaire ne lui suffit pas pour combler ses besoins, il lui est donc permis de toucher aussi la zakat en tant que pauvre pour combler ses besoins. Donc, le fait qu'il bénéficie de la zakat en tant qu'employé ne l'exclut pas d'en bénéficier encore en tant que pauvre. Donc, le fait de bénéficier de la zakat dans une catégorie n'empêche pas qu'on puisse en bénéficier comme faisant partie d'une autre catégorie. Donc, si ses besoins ne sont pas comblés, on peut par exemple verser la zakat à quelqu'un comme voyageur en détresse, comme on le verra, et on lui verse aussi encore ensuite comme étant pauvre. Donc, on peut verser la zakat à quelqu'un pour solder une dette et s'il est toujours pauvre, s'il est toujours dans le besoin, on lui verse encore la zakat comme pauvre pour combler donc ses besoins. Donc c'est l'avis de l'imam Ibn Qudama et c'est l'avis le plus juste. C'est l'avis le plus juste qu'il est permis donc de toucher. Si tes besoins ne sont pas comblés, tu peux toucher en faisant partie de différentes catégories. Tu peux toucher dans une catégorie et touchés encore dans une autre catégorie. Donc, l'employé de la zakat, elle a amil aliha, on lui verse juste le montant correspondant au salaire du travail ou de la tâche accomplie. C'est comme cela à la base. Mais à condition, comme je l'ai dit, qu'il soit envoyé par le détenteur d'autorité et du pouvoir, ou bien de celui qui se substitue à celui-ci. Si ce n'est pas le cas, donc, comme je l'ai dit, ceci est donc un wakil. Ceci est donc un wakil et quelqu'un qui a été chargé par un particulier d'accomplir un travail ou une tâche ou de le représenter pour un acte pour son compte. Et là, donc, c'est d'autres jugements qui s'appliquent et son salaire est à la charge de celui qui lui a confié cette tâche et il n'est pas payé, il n'est pas permis qu'il touche l'argent de la zakat. Il n'est pas permis qu'il soit rémunéré avec l'argent de la zakat. La quatrième catégorie citée dans le verset 60 de Sourate Tauba, donc, c'est Al-Mu'allafatu Qulubuhum. Donc, Al-Mu'allafa, c'est le pluriel de Mu'allaf. Al-Mu'allafa, c'est le pluriel de Mu'allaf. Et donc, ceci veut dire donc ceux dont les cœurs sont à gagner pour l'islam. C'est ceux dont, Al-Mu'allafatu Qulubuhum, c'est ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Et ils sont de deux types. Premièrement, ceux dont les cœurs sont à gagner parmi les musulmans. Et deuxièmement, ceux dont les cœurs sont à gagner parmi les koufars, les mécréants. Et ceux-ci donc, ceux dont les cœurs sont à gagner, ceux dont les cœurs sont à gagner parmi les mécréants, ceux-ci donc ont deux sortes. Ceux-ci sont de deux sortes. Il y a donc ceux à qui on donne parce qu'on espère qu'ils vont se convertir à l'islam. Et il y a dans ce cas donc des indices qu'il faut avoir, des indices et des indicateurs qu'il faut avoir qui amènent à penser que cette personne est sensible à l'islam et peut franchir le pas et se convertir. Donc, il y a donc parmi les mécréants à qui il est permis de verser la zakat pour gagner leur cœur, donc il y a ceux à qui on donne car on espère qu'ils vont entrer dans l'islam. Et il y a ceux dont on n'espère pas l'islam, mais on leur donne quand même de la zakat, de l'argent de la zakat, des biens de la zakat, pour se préserver de leur mal. Donc, c'est des mécréants, mais on leur donne donc de la zakat, on leur donne donc des biens de la zakat pour se préserver de leur mal. Ceci car il est connu qu'il est difficile à quiconque d'agir ou de faire du mal à un donateur. Ça, c'est connu que pour quelqu'un, c'est difficile d'agir ou de faire du mal à un donateur. Car ça crée un malaise et on se sent forcément redevable un minimum envers les personnes qui nous font des dons et des cadeaux et du bien. On se sent forcément redevable envers ce type de personnes. Donc, et ici chez nous au Cameroun, par exemple, on dit, il y a un dicton qui dit, la bouche qui mange ne parle pas, c'est-à-dire, la bouche qui mange ne parle pas, c'est-à-dire que quelqu'un recevant des dons d'une personne, il ne faut même pas s'attendre à ce que celui-ci parle en mal de lui, de la personne qui lui donne, ou bien le contredise lorsqu'il prend une position. Ou bien même le contredise lorsqu'il prend une position. Ou bien lui fasse une remontrance s'il agit mal. Donc, c'est un dicton dans le sens où même la simple critique, même si elle est objective, il ne faut pas s'attendre qu'elle soit faite de la part de quelqu'un qui reçoit des dons d'une autre, quoi. Donc la personne, si quelqu'un reçoit des dons de quelqu'un, il ne faut pas s'attendre que même si c'est une critique simple et objective, il ne faut pas s'attendre à ce que il puisse la faire envers celui qui est son donateur. À plus forte raison, donc, agir contre lui. Donc, ceci, donc, est la raison pour laquelle, donc, il est légiféré en islam, donc, de donner de la zakat collectée. Le détenteur du pouvoir, le wali ul-amr, il peut donc donner de la zakat collectée à des personnes qui sont mécréantes, qui ne sont pas dans l'islam, des personnes dont on craint le mal, dont on craint le mal, donc, pour se préserver de leur mal, donc, pour acheter sa tranquillité, donc, on leur donne de la zakat. Et parmi les preuves qui démontrent qu'on peut donner de la zakat aux mécréants dont on espère l'islam ou pour se préserver de son mal, il y a donc le hadith de Safwan ibn Umayya, radiallahu anhu, dans Sahih Muslim, dans lequel il dit: A'tani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma Hunayn, wa innahu la abghadu an-nas ilayya. Fama zala yu'tini hatta sara wa innahu ahabbu an-nas ilayya. Donc dans ce hadith, donc Safwan ibn Umayya radiallahu anhu, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a fait des dons le jour de Hunayn, étant l'homme le plus détesté de moi, et il n'a cessé de me donner jusqu'à ce qu'il est devenu l'homme le plus aimé de moi. Donc il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a fait des dons le jour de Hunayn, étant l'homme le plus détesté de moi, et il n'a cessé de me donner. Donc il n'a cessé de lui faire des dons jusqu'à ce qu'il est devenu l'homme le plus aimé de moi. Donc ce hadith donc démontre, parce que Safwan ibn Umayya, lors de le jour de Hunayn, il n'était pas encore musulman, il faisait partie des mouchriks, des mouchrikines. Donc il faisait partie des mouchrikines, des associateurs. Donc il était donc mécréant. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait don pour gagner son cœur et espérant qu'il entre donc dans l'islam. Donc voilà, c'est ça. Ceci démontre donc que même un kafir, même un mécréant, il est permis de lui donner pour gagner son cœur, pour que son cœur s'apaise, donc, et en espérant son islam, et pour s'épargner son mal. Donc ceux dont les cœurs sont à gagner parmi les musulmans, ça peut être soit pour affermir et renforcer leur foi, parce que leur islam est récent. Donc ça c'est, on est dans la deuxième catégorie parmi donc ceux à qui il est permis de donner donc de la zakat. Donc il y a donc on a vu la deuxième catégorie. On a cité la première catégorie, les musulmans, et la deuxième catégorie, les mécréants. On a parlé en détail des mécréants. Maintenant, on va parler en détail de ceux à qui il est permis de donner la zakat parmi les musulmans, donc pour gagner leur cœur. Donc ceux-là, on leur donne soit pour affermir et renforcer leur foi, parce que leur islam est récent, et soit ça peut être aussi à tout musulman. Dont on voit que on donne à tout musulman, dont on voit que lui donner à lui a un intérêt donc pour l'État islamique, pour l'État musulman ou pour la propagation de l'islam, pour la da'wah. Donc à celui-là on peut lui donner, par exemple si on sait que ceci peut avoir un impact sur ses semblables dans son peuple ou son entourage, et les pousser à embrasser eux aussi l'islam. Comme ceci est rapporté dans Sahih Muslim d'après Anas radiallahu anhu. Et il a donc dans ce hadith rapporté qu'on ne demandait pas quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il ne donne. Et un homme est venu vers lui et lui a demandé. Et il a ordonné qu'on lui donne une quantité énorme de moutons issus de la zakat. Et lorsqu'il a vu ça, cet homme est rentré vers sa tribu et leur a dit: Ya qawmi, aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhsha al-faqa. Donc, il a dit: Ô mon peuple, entrez dans l'islam, car certes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est tellement généreux qu'il donne aux gens à la manière de quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté. Qui ne craint pas la pauvreté. Donc, il a tellement été touché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné autant de moutons. C'était vraiment une quantité énorme. Dans le hadith, ils disent Bayna Jabalayn. Donc, entre, la quantité était entre deux montagnes. Donc, ils disent donc que cet homme donc est rentré vers son peuple. Il est donc rapporté dans le hadith qu'il est rentré donc vers son peuple, étant touché, tellement étant touché par ce geste, par la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a donc appelés donc à l'islam en argumentant comme il a argumenté. En argumentant donc sur la générosité extrême du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci indique donc qu'il est bien de donner à un musulman dont on sait que ça peut impacter son entourage et son peuple et les amener à entrer dans l'islam, voyant ses bienfaits et étant attiré par ceci. Voyant ses bienfaits, ses bons comportements et étant attiré par ceci. Donc, on peut donner aussi aux musulmans qui résident dans les contrées proches de l'ennemi. Donc, on peut donner aussi de la zakat aux musulmans qui résident dans les contrées proches de l'ennemi pour les renforcer et les raffermir afin qu'ils tiennent bon si jamais l'ennemi décide d'attaquer les musulmans. Donc, on leur donne à ceux qui résident aux frontières avec ces ennemis. Pour qu'ils tiennent bon, parce qu'ils sont donc en première ligne. Donc, le wali al-amr, le détenteur du pouvoir, c'est une manière de les raffermir et de les encourager, de les raffermir et de leur donner une compensation par rapport à cette situation. Parce qu'ils sont donc proche de l'ennemi et à tout moment donc on craint que l'ennemi peut s'attaquer à eux et si donc ils ne tiennent pas bon et qu'ils ne sont pas fermes, ça peut donc permettre à l'ennemi de faire une percée rapide vers l'intérieur du pays musulman. Et donc tout ça c'est donc des siyasats, c'est des politiques, des politiques mises en place donc par le gouverneur musulman. C'est des politiques mises en place en utilisant donc l'argent de la zakat. On peut donner aussi à des personnes qui ont un poids ou de l'influence dans une communauté et qui donc grâce à ce poids et cette influence peuvent donc collecter la zakat pour le détenteur du pouvoir et permettent donc de mettre sous pression ceux qui se refuseraient à la payer ou ceux qui ne la paieraient que. Il y a des gens comme ça qu'ils ne vont payer la zakat que s'ils sont contraints ou s'ils si ont la crainte de représailles. Et donc, toute personne ayant une influence, un poids dans une communauté et dont on sait que cette influence et ce poids peut lui permettre de collecter la zakat. On lui verse donc de la zakat, le dirigeant musulman lui verse donc de la zakat à lui, hein, par rapport à cela, pour que donc il joue ce rôle, pour l'encourager donc à jouer ce rôle. Donc au lieu de devoir, parce que sinon, si ça ne se fait pas, ce que ça engendre, ça fait que le gouverneur musulman va devoir envoyer l'armée ou des forces pour contraindre ceux-là à payer la zakat, et il va devoir les combattre. Et donc pour s'éviter ça, donc par exemple, on peut donner par exemple à des chefs de tribu, on peut donner à un chef de tribu de la zakat, on lui donne tout ce qui peut faire gagner son cœur pour que, donc, il joue ce rôle-là, donc, auprès des gens de sa tribu, de collecter la zakat pour le gouvernement. Donc, de collecter la zakat pour le gouvernement. Donc, c'est ce genre de personne à qui, donc, on peut donner de la zakat. On peut donner de la zakat, même si ils sont déjà riches, même si ils n'ont pas besoin. On leur donne quand même, justement, pour gagner leur cœur, parce que politiquement, stratégiquement, on a besoin d'eux. Donc, pour s'éviter donc de devoir envoyer l'armée, peut-être qu'il y ait des combats, l'effusion de sang, perdre des hommes pour rien. Si on peut s'éviter ça en agissant de la sorte, le gouverneur donc musulman donc fait cela pour s'éviter ça et c'est plus simple. Et comme par exemple Abou Bakr, radiallahu anh, il a dû combattre des gens qui se refusaient à payer la zakat à son époque. Il a dû combattre des gens qui se refusaient à payer la zakat. Mais il est donc préférable pour éviter de verser le sang des musulmans inutilement, donc de s'appuyer sur ce genre de personnes de poids ou influentes, comme des chefs de tribu par exemple. Et à cela, donc, on leur verse de l'argent de la zakat pour gagner leur cœur et leur fidélité à l'État musulman. Donc, par ce qui précède, on se rend donc compte que l'islam est une religion où ce n'est pas la force qui prime et où les choses sont faites de manière réfléchie et stratégique. L'islam est une religion où les choses sont faites de manière réfléchie et stratégique. Quand on peut éviter de faire couler le sang des musulmans, inutilement, on évite. Cela permet donc de comprendre les bienfaits de la législation islamique. Donc, si la législation permet même de donner des biens et de l'argent à un mécréant, un ennemi d'Allah Azzawajal, juste pour se préserver de son mal, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une politique bien définie et une stratégie. Hein? Et une stratégie. Et le prophète, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, qui est la meilleure des créatures, donc il l'a fait. Et donc, alors que même il était détenteur d'une autorité et il pouvait se dire, donc, voilà, que rien ne peut lui arriver, qu'il n'est pas obligé de faire cela. Et il a donc utilisé ce genre de stratégie politique pour raffermir donc l'autorité de l'État musulman. Et donc, et on voit donc que l'islam est une religion, donc, comme je le disais, une religion où on ne fait pas les choses de manière inconsidérée, où toutes les choses sont bien réfléchies et bien calculées. C'est bien calculé et c'est une religion donc de stratégie. Comme par exemple, il est rapporté par exemple à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des gens qui se sont mal comportés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar ibn al-Khattab, il a voulu donc appliquer la sanction sur eux. Il a voulu donc appliquer la sanction sur eux et leur couper la tête. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de ne pas faire cela parce que les gens vont dire que les gens vont dire que Mohammed tue ses compagnons. Donc, tout acte, ça montre, ceci montre que donc tout acte du musulman doit être bien réfléchi. Et on doit voir les conséquences, pouvoir lire les conséquences qui en découlent de cet acte. Voilà pourquoi les savants, à notre époque, hein, incitent les musulmans, orientent les musulmans à apprendre d'abord leur religion afin de purifier nos rangs et s'éduquer. C'est ce que Cheikh Al-Albani il appelait at-tasfiya wa at-tarbiya, at-tarbiya wa at-tasfiya. Donc l'éducation et la purification des rangs. Donc quand on va s'éduquer et en apprenant notre religion, en apprenant le tawhid, la sunna, ceci va donc purifier nos rangs. On va purifier nos rangs du polythéisme, des innovations, ce qui va donc engendrer directement le secours d'Allah Azawajel, car quand les rangs sont purifiés, le secours d'Allah vient. Alors que quand les rangs sont remplis de gens qui sont désobéissants, qui sont dans les innovations, qui sont même dans le shirk, les bid'a, comment voulez-vous avoir le secours d'Allah Azawajel? Donc, on ne doit pas, donc, les savants, donc, ont donné ce genre de conseil aux gens de ne pas se précipiter et d'aller étape par étape. On ne doit pas se précipiter à aller commettre des actes qui sont plus nuisibles à l'islam et aux musulmans qu'autre chose. On peut prendre par exemple l'exemple de l'Algérie où des gens sont rentrés dans la démocratie pensant que à travers la démocratie, on pouvait arriver à établir l'islam dans un pays, à établir l'islam et la sunna dans un pays, en passant par quelque chose qui est haram et interdit et qui est contraire à la législation islamique. Et qui est même, bon, je voudrais même pas m'attarder dessus, mais qui est très grave. Qui est très grave, parce que le système démocratique, c'est un système chaotique. C'est un système où on juge par des lois autres que celles d'Allah Azzawajal. Inch'Allah, on aura l'occasion de voir ça, bi'idhnillah Azzawajal, dans le prochain cours, dans Al-Mabadi Al-Mufida, où on traite de ce sujet-là, de la démocratie. Donc ces gens ont voulu passer par la démocratie, pensant que c'était un moyen, parce que les gens qui ne sont pas sur la sunna, fermes sur la sunna, ils ont beaucoup d'entre eux utilisent ce concept qui est tous les moyens sont bons. Donc même si on passe par des moyens haram, c'est pas grave tant qu'on arrive à notre objectif. Et l'islam rejette ce genre de pratiques et ce genre de croyances. Dans l'islam, on doit passer par la méthodologie prophétique. Même si ça nous fait mal, même si ça ne nous plaît pas, même si on voit que, mais derrière ça, il y a notre bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca et Allah azawajal aurait pu lui ordonner, hein, Allah azawajal qui dit kun, soit, fayakun, et la chose est, il aurait pu demander à son prophète d'affronter les mécréants étant à la Mecque, étant à Mecca. Il a le c'est le prophète, l'envoyé d'Allah, il a le soutien d'Allah, le soutien de ses anges. Il aurait pu les, il aurait, rien ne l'empêchait, rien concrètement ne l'empêchait de leur déclarer la guerre étant même à Mecca. Mais Allah Azawajal, qui nous a créés et qui sait ce qui est bien pour nous, il a voulu donc que ça se passe ainsi, que ça suive un processus. Il a d'abord émigré donc à Médine, hein, jusqu'à ce qu'il ait des soutiens, al-Muhajirun wal-Ansar, et que la foi de ceux-ci soit enracinée dans leur cœur, avant donc de commencer donc à l'expansion de l'islam et de rompre les pactes de non-agression qu'il avait avec les mécréants. Donc ceci montre que c'est comme ça que le musulman doit agir. Toutes les choses, c'est par un processus, c'est par un processus. Et donc, on n'agit pas guidé par la rage, la haine ou la fougue. On n'agit pas guidé par la rage, la haine ou la fougue. On agit étant guidé par les arguments du Kitab et de la Sunna. On agit étant guidé par les arguments du Kitab et de la Sunna. Et on ne se précipite pas. On ne se précipite pas à agir de manière inconsidérée. On pèse bien le pour et le contre. Hein? Jusqu'à ce que les savants ont dit que dans certaines situations où tu as le choix seulement entre deux choses qui sont mauvaises, ben, tu prends akhafu dararain. Tu prends la chose la moins, tu optes pour le moindre mal. Tu optes pour le moindre mal. Et aujourd'hui, donc, beaucoup de gens donc tombent dans des choses qui sont nuisibles aux musulmans, tout ça à cause du manque d'enracinement dans les sciences religieuses. Et donc du manque de suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit donc dans ces arguments qu'on venait de citer, le fait de donner de la zakat à ce genre de personnes, hein, on voit donc que l'islam est une religion hautement politique et où, donc, parce que là, on donne des biens à ce genre de personnes, on achète sa tranquillité. Parce que sinon, ce genre de mécréants, ils vont passer leur temps à comploter nuit et jour contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les biens de cette dunya, ils sont éphémères. Si on peut s'acheter sa tranquillité en leur donnant quelques biens, ils s'en réjouissent, eh bien, on achète sa tranquillité comme ça. On ne se dit pas, non, on est trop fort, il ne peut rien nous arriver. On ne se dit pas ça. Et donc, ça montre donc que la création d'un État, la gestion d'un État, les politiques économiques et sociales à mettre en place, donc, ce sont des sujets sur lesquels nos savants ont rédigé des livres. Et tout ça, ce sont des processus à mettre en place étape par étape. Et on ne brûle pas les étapes. Donc c'est ainsi qu'Allah Azawajal, il a voulu que l'établissement du pouvoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les Arabes et sur la péninsule arabique, ça se fasse donc étape par étape. C'est ainsi qu'Allah Azawajal l'a voulu et c'est ainsi qu'il a procédé avec son prophète et ses compagnons. Donc c'est ce qui est valable pour nous qui viennent après eux. Notre religion est donc une religion de sagesse, de réflexion et de stratégie. Et il faut donc faire attention à cela avant d'agir. Et donc ce qu'on vient de voir donc démontre à suffisance cela. Les gens qui sont en première ligne avec les musulmans, on leur donne de l'argent parce qu'il faut les raffermir, il faut les raffermir et il faut gagner leur cœur pour qu'ils tiennent bon. Si jamais l'État musulman est attaqué, pour ne pas que, voilà, à la moindre attaque, ça y est, ça soit la débandade et que l'ennemi puisse pénétrer en profondeur rapidement dans le pays musulman. Donc tout ça, ça montre, comme je l'avais dit peut-être précédemment, les savants ont rédigé des livres sur comment agir dans ces différents types de situations, comment le gouverneur doit agir. Donc, cher l'islam Ibn Taymiyyah, il a un livre qui s'appelle As-Siyasat al-Shar'iyya, la politique légiférée. Et il y a d'autres savants qui ont rédigé des livres par rapport à cela. Sur comment donc l'État musulman doit être dirigé et quelles sont les politiques à mener donc, de manière globale et détaillée. Et dans cela, donc aussi, on voit donc le on voit donc qu'il est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple qu'on doit suivre dans son comportement, dans son extrême générosité. Et dans le fait qu'il avait le souci donc pour le souci pour les musulmans. Il avait donc le souci pour les musulmans. Quand il y a des moyens, donc on les utilise. Quand il y a des moyens financiers, on les utilise donc pour assurer la tranquillité et le bien-être des musulmans. Même quitte à distribuer des biens, de l'argent, ci et là. On peut donc dire en résumé que les musulmans à qui on donne l'argent ou les biens de la zakat pour gagner leur cœur sont de quatre sortes. On peut dire donc les musulmans à qui on donne de la zakat donc pour gagner leur cœur sont de quatre sortes. Ceux à qui on donne parce qu'ils ont un impact dans leur entourage et leur peuple et qu'on espère l'islam de leurs semblables. Deuxièmement, ceux à qui on donne parce qu'ils résident aux frontières avec les ennemis et qui sont en première ligne en cas d'attaque. Ceci pour les raffermir afin qu'ils repoussent l'ennemi le moment venu, en protégeant ainsi ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, Troisièmement, ceux à qui on donne, parce que en leur donnant, on s'assure leur aide pour la collecte de la collecte de la zakat. Donc, on leur donne parce qu'ils ont donc un poids et une influence leur permettant dans leur communauté de collecter la zakat et de la prendre même de force chez les récalcitrants. Donc, il y a quatrièmement, donc, ceux qui sont les chefs de leur peuple obéis et suivis, et on leur donne donc afin de raffermir leur foi et de s'assurer leur soutien. Et on leur donne donc, à tous ceux-là, donc, pour gagner leur cœur, et on leur donne la quantité qui est suffisante donc pour atteindre cet objectif. On leur donne à tous ceux-là la quantité. On leur donne comme zakat la quantité qui est suffisante donc pour gagner leur cœur. On leur donne la quantité qui est suffisante pour atteindre l'objectif qui est de gagner leur cœur. Donc il n'y a pas de quantité définie. Il n'y a pas de quantité définie. Comme on a vu dans le hadith que j'ai cité précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une quantité immense de moutons à un individu. Donc, tant que l'objectif, tant qu'on voit que on peut atteindre l'objectif en lui donnant telle quantité, on lui donne. Maintenant, la cinquième catégorie, donc, Allah Azzawajal, il dit donc, wafir riqab, donc, c'est dans l'affranchissement des joues. Dans l'affranchissement des joues. Et ceci est la meilleure traduction parce que j'avais mal traduit précédemment. J'avais dit, en traduisant le verset, si je me rappelle bien, j'avais dit dans l'affranchissement des esclaves. Or, al-riqab, ne concerne pas que les esclaves. Al-riqab, le mot al-riqab ne concerne pas que les esclaves. Donc, il est mieux, il est plus approprié de traduire, il est plus juste de traduire pour l'affranchissement des joues. Parce que il y a trois types de personnes concernées par le terme al-riqab. Il y a premièrement le musulman qui est retenu prisonnier par les mécréants. Le musulman qui est retenu prisonnier par les mécréants, on sort donc l'argent de la zakat qu'on verse à ces mécréants en échange de sa liberté. Si on dépense l'argent de la zakat pour combler les besoins donc, du pauvre ou libérer l'esclave, à plus forte raison, le prisonnier qui est donc dans une situation plus périlleuse que cela. Car le prisonnier, comme vous le savez, le prisonnier il peut même être tué. Il peut même être tué donc. Sa situation est plus périlleuse que celle du pauvre, du mesquin ou celle de l'esclave. Bon, deuxièmement, donc, deuxième catégorie, il y a deuxième catégorie de personnes qui sont concernées par le terme récab. Donc, il y a l'esclave qu'on achète, l'esclave qu'on rachète à son maître pour le libérer. Donc, l'esclave qu'on rachète à son maître pour le libérer. Donc, il fait partie donc de Ar-Riqab. Et ceci est l'esclave musulman qui prie, dont on voit qu'il prie et qui jeûne. C'est ça, c'est pour l'esclave, c'est l'esclave musulman qui est concerné. Et il faut donc qu'il soit musulman. Et celui qui subit des désagréments venant qui subit des désagréments de la part de son maître peut donc être prioritaire. Celui qui subit une oppression ou des désagréments de la part de son maître est prioritaire. Et il y a l'esclave en troisième catégorie parmi ceux qui sont concernés par le terme al-riqab. Il y a donc l'esclave qu'on appelle al-mukatab. Al-mukatab, c'est donc celui qui a racheté sa liberté moyennant une dette qu'il a contractée et dont il doit s'acquitter à une date ou avant une date fixée. Donc c'est celui-là qu'on appelle al-mukatab. parmi les esclaves, et donc lui aussi, il est concerné donc par le terme riqab. Donc voyant cela, donc il est plus judicieux de traduire ça par l'affranchissement des joues, parce que c'est pas juste l'affranchissement des esclaves, même le prisonnier donc musulman détenu par les mécréants, il est concerné. Donc on utilise l'argent de la zakat pour obtenir sa liberté, comme on utilise l'argent de la zakat donc pour racheter des esclaves musulmans et les libérer, ou bien pour payer la dette que Al-Mukatab il a donc envers son maître, et arriver donc ainsi à sa liberté définitive. Donc, pour ces deux esclaves, comme pour le prisonnier, ce ne sont pas eux qui touchent cet argent. Ce ne sont pas eux qui touchent cet argent. On ne leur remet pas cet argent, mais on le verse directement à leur maître, ou on le verse, donc pour le cas du prisonnier, on le verse donc au mécréant afin qu'il le libère. Donc c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah dans son commentaire de Boulour. Et il s'appuie sur cela, sur la parole d'Allah Azawajal, wa fi al-riqab. Et Allah Azawajal aurait pu dire wa li al-raqaba. Parce que al-riqab, donc, c'est le jam de le pluriel de raqaba. Raqaba qui donc signifie les coups, quoi. Signifie les coups. Et donc, Allah Azawajal aurait pu dire que cet argent, c'est pour les riqab. Mais il a dit wa fi riqab. Donc, il aurait pu dire cet argent, c'est pour affranchir. C'est pour les affranchis. C'est pour l'affranchissement. C'est pour ceux qui doivent être affranchis plutôt, dans ce sens-là. Donc, il a dit, c'est pour l'affranchissement. Donc, ça veut dire, c'est, il a utilisé donc wafi. Wafi qui indique donc le circonstanciel. Ça indique le circonstanciel. Alors que, par exemple, au début de ce verset, il a dit concernant les pauvres, hein, innama sadaqat lil fuqara. Il a dit lil fuqara, mais là il dit wafir riqab. Il n'a pas dit lil raqaba. Hein? Ou lil riqab. Il n'a pas dit lil riqab. Donc ça veut dire que Cheikh Ibn Taymiyyah, donc, il argumente en disant que ceci démontre que, comme il a utilisé le circonstanciel, ça veut dire que c'est leur situation qui est concernée. On doit donc. L'argent est donc fait pour régler leur situation. Donc, régler la situation du prisonnier et régler la situation de l'esclave. Il ne leur est pas destiné. Contrairement au fakir ou au meskin, où Allah Azzawajal, il a dit Innama sadaqat lil fuqara. Donc, c'est parce que l'argent leur est destiné. Donc, on leur remet directement à eux parce que ça leur est destiné. Alors que là, il a utilisé donc wafi qui indique le circonstanciel, qui indique que c'est pour la circonstance. C'est pas pour des personnes, c'est pas pour des personnes, l'argent n'est pas pour des personnes, mais l'argent doit être utilisé pour la circonstance qui est leur affranchissement et leur libération. Donc, ça fait que ceux qui sont concernés ici, on ne leur remet pas le prisonnier, on ne lui remet pas l'argent. L'esclave, on ne lui remet pas l'argent. On verse l'argent directement à son maître pour son affranchissement. On verse l'argent directement à son maître pour son affranchissement, et on ne lui verse pas l'argent de la zakat à lui. Et pareil pour le prisonnier qui est chez les koufars, on remet l'argent au koufar pour qu'il le libère et on ne lui verse pas l'argent à lui. Donc c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah dans son commentaire de Boulour al-Maram. Et il faut savoir que celui qui a été condamné et qui est prisonnier, par exemple parce qu'il doit payer le prix du sang, parce qu'il doit payer le prix du sang, ou tout autre genre de prisonnier, ne font pas partie de Ar-Riqab. Parce qu'il y a pas mal de gens qui font la, qui confondent et qui pensent que c'est tout genre de prisonnier. C'est tout genre de prisonnier qui est concerné par Ar-Riqab. Donc le seul qui est concerné par Ar-Riqab, c'est le prisonnier musulman détenu par les mécréants. Le prisonnier musulman détenu par les mécréants. Et cela ne concerne aucun autre type de prisonnier. Donc, les gens qui donnent de la zakat à des prisonniers en disant que c'est ça rentre dans Ar-Riqab, ça c'est une erreur. Donc, sixième catégorie maintenant de personnes concernées et bénéficiaires de la zakat, Al-Gharim. Al-Gharim, donc, c'est celui qui a une dette qui pèse sur lui, l'endetté. Et il est de deux sortes. Sont donc, Al-Gharim, il est de deux sortes. Gharimun li-islah dat al-bayn. C'est celui qui s'endette pour régler un conflit. Et Gharimun li-nafsi. Gharimun li-nafsi. Donc il y a Gharimun li-islah dat al-bayn et Gharimun li-nafsi. Donc celui qui s'endette pour régler un conflit entre deux groupes et celui qui s'endette pour son compte personnel. Donc celui qui s'endette pour régler un conflit entre deux groupes ou deux tribus pour éviter les fusions de sang, il se pose donc en médiateur, il fait la médiation entre eux pour qu'il y ait la paix et il donne donc de l'argent ou des biens ici et là pour calmer les choses. C'est quelque chose ça qui est connu chez les Arabes et ça peut donc monter et atteindre de très gros montants qui nécessitent qu'il s'endette ou alors il peut donner sa parole et promettre par exemple à telle tribu ou tel groupe que vraiment pardonnez à vos frères ce qu'ils ont fait, moi je vous promets de vous donner tel montant pour vous compenser, pour compenser ce qui est arrivé. Et il part voir les autres et il leur dit la même chose. Pardonnez à vos frères et moi, je m'engage à vous donner tel ou tel montant. Donc, dans ce cas, celui-ci, donc, Al-Gharim, l'Islah Hedat Al-Bayn, celui qui s'endette comme ça pour régler un conflit entre deux groupes de musulmans, entre deux tribus. Donc celui-là, il est permis donc qu'on lui verse la zakat, qu'on lui verse la zakat, de l'argent de la zakat, pour régler ses dettes, même s'il est riche. Il lui est permis donc de verser l'argent de la zakat à celui-là, même s'il est riche et qu'il a les moyens de payer. Même s'il est riche et qu'il a les moyens de payer, il est permis qu'on lui verse de la zakat à cet effet-là. Et par contre, s'il a déjà réglé avec ses propres moyens, dans ce cas, on ne lui donne pas la zakat parce qu'il a déjà réglé. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que le seul cas où on peut lui donner la zakat, quand même, pour cela, malgré le fait qu'il ait déjà réglé la dette de lui-même, c'est s'il a été envoyé par le gouverneur. S'il a été envoyé par le gouverneur qui lui a dit, par exemple, va gérer cette situation et moi, je te garantis tes dépenses. Dans ce cas, même s'il a réglé de ses propres poches, on lui donne donc de la zakat pour compenser cela. Car il est parti gérer ce conflit en tant que substitut du gouverneur. Donc, il est permis qu'on lui donne donc de l'argent de la zakat, même s'il est riche et qu'il a réglé de par lui-même, il est permis donc de lui donner de l'argent de la zakat. Deuxième catégorie, donc parmi les endettés, El Gharim li nafsi, donc celui qui s'endette pour ses propres besoins, pour se marier par exemple, pour se soigner, pour acheter ou construire une maison, pour subvenir aux besoins de sa famille, ou bien qui a dégradé un bien, il a dégradé un bien d'autrui sans faire exprès et il doit faire réparation ou bien racheter un autre bien en réparation. Et les cas sont très nombreux de situations qui peuvent amener une personne à se retrouver endettée. Ceux-là donc ont le droit de bénéficier de la zakat à deux conditions. La première condition est qu'ils soient dans le besoin de rembourser cette dette, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas les moyens de le faire par eux-mêmes en vendant des objets ou des biens qu'ils ne leur sont pas nécessaires. Donc, si quelqu'un a les moyens de rembourser cette dette-là, par exemple, il possède plusieurs voitures, il est endetté, il peut vendre une ou deux de ses voitures, il n'en utilise qu'une. Il peut vendre une ou deux de ses voitures pour régler la dette, il n'est pas permis. Donc, qu'on lui donne donc de la zakat à ce type d'endetté. Donc, il faut quelqu'un donc qui soit dans le besoin. C'est-à-dire qu'il soit dans l'incapacité lui-même de rembourser cette dette. Ça veut dire, donc, comme je le disais, il faut qu'il n'ait pas les moyens de rembourser cette dette en vendant peut-être des objets ou des biens. Ou bien qu'il n'ait pas d'entrée d'argent, donc lui permettant de rembourser cette dette. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un peut être endetté, mais voilà, son salaire va passer. Avec son salaire, il a les moyens de rembourser cette dette-là. Donc, on lui donne pas de la zakat. Parce que quand son salaire va passer, alors il a les moyens de rembourser. Ou bien, il a des gains qui peuvent lui permettre de rembourser. Il a des maisons qui sont en location. Il a des commerces. Il a des terrains qu'il peut vendre et pour rembourser. Bon, voilà. En fait, il a la possibilité de rembourser cette dette-là. Voilà, sans vendre des objets qui sont nécessaires à lui, par exemple. C'est pas quelqu'un, par exemple, pour qui rembourse, il faut qu'il vende sa maison dans laquelle il vit. Donc, dans ce cas-là, lui, dans ce genre de personne, on peut lui donner la zakat. On peut lui donner la zakat. C'est quelqu'un qu'il peut rembourser sans difficulté. Donc, quelqu'un, il va avoir son salaire, il peut rembourser en étant à l'aise. Il peut vendre quelque chose qu'il possède là. Il a de l'or qu'il possède, qu'il peut vendre et rembourser. Il a un terrain qu'il possède, voilà, s'il vend ce terrain, ça ne le met pas en difficulté. Voilà, il a quelque chose, il a des biens en surplus, il a des biens en surplus dont il peut se délester, donc qu'il peut vendre sans que ça lui porte préjudice, ça lui porte sans que ça ne le mette en difficulté. Donc, voilà. Ce genre de personne, donc on ne peut pas lui donner l'argent de la zakat. Ce n'est que la personne qui est vraiment en difficulté, qui a du mal à payer. Voilà, qui a du mal à payer cette dette-là. Et que, voilà, ce n'est que ce genre de personne à qui donc on peut donner la zakat, qui est donc en difficulté, qui aura du mal à rembourser, qui a besoin de rembourser, mais qui aurait du mal à le faire. S'il n'est pas aidé. Donc c'est cette personne-là donc qui peut bénéficier de la zakat. Donc quelqu'un qui se retrouve donc dans l'incapacité de rembourser, il mérite donc de qu'on lui verse la zakat. Quelqu'un qui ne peut pas rembourser par ses propres moyens. Deuxième condition donc que sa dette soit dans une chose permise ou une chose interdite dont il a fait taouba, dont il s'est repenti. Il est permis, par exemple, de régler ses dettes, même si c'est pour des choses haram, des choses interdites, dont il s'est repenti. Comme, par exemple, des dettes contractées dans les jeux de hasard, ou par exemple, pour de la drogue, de l'alcool, ou autre. Par contre, si on voit, il faut qu'on voie de lui un repentir sincère. Si on voit de lui que ce n'est pas un repentir sincère, par rapport à cela, il n'est pas permis de régler ses dettes pour lui parce que ça serait l'encourager et l'inciter dans le haram. Donc, c'est la condition. Soit que ça que ça que qu'il n'est pas donc qu'il n'est pas donc qu'il soit dans l'incapacité de rembourser ses dettes et que ça soit dans quelque chose de permis ou dans quelque chose de haram dont il a fait taouba. Si c'est quelque chose de haram, il faut que ça soit quelque chose de haram pour lequel il a fait taouba, il s'est repenti sincèrement à Allah Azzawajal. Et donc si on voit des indices qui indiquent que celui-là ne s'est pas repenti de cette chose-là, hein, des jeux de hasard, il a des dettes dans les jeux de hasard, mais on voit qu'il ne s'est pas, il y a des indices qui montrent qu'il ne s'est pas repenti des jeux de hasard. Dans ce cas-là, il n'est pas permis qu'on paye sa dette. Mais si on voit que vraiment il s'est repenti, donc on peut payer sa dette dans ça. Ou bien il a contracté des dettes dans riba, dans l'usure, il doit rembourser. On peut rembourser ces dettes-là. Hein, pour lui, avec l'argent de la zakat. Et je dis régler ses dettes pour lui parce que cher Ibn Taymiyyah, il dit donc que l'endetté, Al-Gharim, entre dans le même jugement que Al-Riqab, comme on a dit, et que c'est toujours donc le circonstanciel parce que c'est à la suite. Donc c'est toujours le circonstanciel ici là qui il est toujours concerné par le circonstanciel ici, donc l'endetté. Et donc l'argent ne lui est pas destiné, il est destiné à régler sa situation. Donc on ne lui remet pas l'argent et on paye sa dette. Sauf si par exemple il fait partie de des gens ayant une certaine position, comme des gens ayant une certaine position dans une communauté, comme par exemple quelqu'un qui voilà, il a un certain rang social dans sa communauté. Et donc, il ne souhaite pas qu'on sache qu'il est endetté. Dans ce cas, donc, cher Ibn Taymiyyah, il dit, dans ce cas, il n'y a pas de mal à ce qu'on lui verse l'argent. Mais, toujours est-il que, en réalité, on peut toujours régler sa dette de manière discrète. On peut toujours régler la dette pour lui de manière discrète. Donc, même si une personne est dans ce cas, je ne pense pas que ça nécessite forcément qu'on doit lui remettre cet argent-là parce que, on peut très bien payer la dette de la personne de manière discrète sans que cela soit su des gens. Donc, mais si par exemple des indices nous amènent à penser qu'en remettant l'argent par exemple à telle personne, il ne va pas aller régler ses dettes, mais il va plutôt utiliser l'argent pour autre chose ou pour des futilités, dans ce cas-là, il est permis donc. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas permis qu'on lui donne cet argent-là. Donc, on règle la dette pour lui. Et voilà. Donc, l'endetté, on lui donne comme zakat, donc ce qui suffit, le montant de la zakat qu'on donne à l'endetté, c'est ce qui suffit donc à rembourser sa dette, pas plus. On lui donne uniquement ce qui suffit à rembourser sa dette. Comme on avait dit par exemple pour le fakir ou le meskin, on lui donne ce qui suffit à combler ses besoins pour la durée d'un an. Donc là, on a vu que bon, l'employé, on lui donne le montant qui correspond à son salaire. Ici, donc, l'endetté, on lui donne donc ce qui suffit à rembourser sa dette, pas plus. Donc, mon septième catégorie maintenant, parce que là on était à la sixième catégorie avec Ar-Rahim. Septième catégorie maintenant, donc, Fi Sabilillah. Avec la parole d'Allah Azzawajal, Wa Fi Sabilillah. Dans le sentier d'Allah. Ce qui est voulu ici par ce terme, c'est le combat donc dans le sentier d'Allah. C'est le combat dans le sentier d'Allah et uniquement cela. Donc le combat dans le sentier d'Allah, que ce soit un combat contre les ennemis de l'islam ou un combat contre un groupe oppresseur parmi les musulmans qui s'attaquent injustement, donc à d'autres. Un groupe rebelle, donc dans ce cas-là, donc c'est ce qui est donc voulu par la parole d'Allah Azzawajal, wa fi sabilillah. Donc ça concerne seulement le combat donc dans le sentier d'Allah Azzawajal, que ce soit donc un combat contre les ennemis de l'islam ou bien contre un groupe d'oppresseurs parmi les musulmans. Un groupe qui s'attaque injustement aux gens parmi les musulmans. Donc tout ceci entre dans le combat, dans le sentier d'Allah. Et le gouverneur musulman prend donc l'argent de la zakat dans Beitul Mal. Donc il prend l'argent de la zakat pour les besoins de son armée. Et que ce soit le salaire du mujahid ou tout ce qu'il a besoin pour combattre comme équipement, nutrition ou autre, donc on utilise donc l'argent de la zakat pour financer cela. Et certains savants ont été de l'avis qu'on peut entrer dedans l'étudiant en sciences, considérant qu'il est aussi fils Abilillah, comme notre cher Abdelhamid El-Hajouri, par exemple, dans son commentaire de Boulour, et d'autres. Donc certains ont même été de l'avis aussi qu'on peut payer le Hajj à la personne qui n'a jamais fait le Hajj, parce que ils estiment que c'est fi sabilillah. Mais le plus juste est l'avis le plus juste, c'est que et c'est l'avis de bon nombre de savants aussi, et c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah. L'avis le plus juste donc sur cette question est que ceci concerne uniquement le combat fi sabilillah. Ceci concerne donc uniquement le djihad, le combat fi sabilillah. Car il est connu que quand on dit fi sabilillah à l'itlaq, de manière générale sans précision, c'est connu chez les gens de science que quand on dit fi sabilillah de manière générale à l'itlaq, ça veut dire qu'il est question du djihad, qu'il est question donc du combat fi sabilillah dans le sentier d'Allah. Et Cheikh Ibn Taymiyyah argumente en disant que si on ouvre cette porte, on y entre énormément de choses et ça annulerait l'objectif de restriction voulu par l'utilisation du terme innama, comme on l'a cité au début de la aya du verset innama sadaqat. On a donc expliqué que l'utilisation du terme innama, ça indique donc la restriction. Ça veut dire donc la restriction, il n'y a que ceux qui vont être cités qui font donc partie des catégories de gens à qui on doit verser les sadaqat. Donc, ouvrir la porte en disant que tel gens rentre dans la parole fi sabilillah, on pourrait mettre beaucoup de choses. Par exemple, construire la construction des mosquées, les écoles islamiques, arranger les routes, les ponts, creuser des puits, propager la science, étudier, imprimer des livres. Beaucoup de choses pourraient rentrer dans le terme fi sabilillah, beaucoup de choses. Comme on a dit, payer le hajj à une personne qui n'a jamais accompli le hajj. Donc, beaucoup de choses pourraient rentrer dans ce terme fi sabilillah. Et donc, si on faisait cela, ça annulerait donc l'intérêt d'avoir utilisé le terme innama. Donc, il n'y aurait pas d'intérêt d'avoir utilisé ce terme qui indique la restriction. Puisque dans ce cas-là, on ouvrirait, comme on dit, la boîte de Pandore et tout genre de choses, tout genre de bonnes œuvres pourraient entrer dans le terme fi sabilillah. Donc, il n'y aurait pas d'intérêt que Allah Azzawajal ait utilisé le terme innama dans cette aya qui indique la restriction. Et cette restriction montre bien donc que ce n'est que la zakat n'est réservée que à certaines personnes. Et ça serait contredire ça d'avoir ce jugement, d'opter pour ce jugement et d'ouvrir la porte à énormément d'œuvres qui sont fi sabilillah, énormément de bonnes œuvres qui sont fi sabilillah. Ça ouvrirait donc la porte à cela. Donc, et ça ne serait donc pas correct. Ça ne serait donc pas correct. Et donc, l'avis le plus juste, c'est que la zakat, fi sabilillah, le terme fi sabilillah utilisé ici ne concerne que le combat fi sabilillah. Et certains savants ont même été d'avis que ceci ne concerne que le combattant fi sabilillah, ça veut dire le mujahid. Ceci ne concerne que le mujahid. Et ça aussi, c'est une erreur parce qu'Allah Azzawajal aurait pu dire lil mujahidin fi sabilillah. Il a dit wa fi sabilillah. Et donc, comme on a dit la même chose pour wa fi riqab. Donc, tout ce qui vient après wa fi riqab, c'est dans le même jugement. Ça veut dire que c'est par rapport à la situation. C'est par rapport à la situation, ça ne concerne pas une personne en particulier, c'est par rapport à la situation. L'île Mujahid, donc ça entre donc Wafi Sabilillah, ça entre donc tout ce qui a besoin comme dépense Fi Sabilillah pour le combattant ou pour le combat Fi Sabilillah, tout ce qui a besoin comme dépense pour le combattant ou pour le combat Fi Sabilillah. Ça veut dire les équipements, la nourriture, le salaire, les moyens de transport ou autre. Donc tout ça peut entrer donc dans ce terme fi sabilillah. Donc ça ne concerne pas seulement le mujahid. Et donc on verse aussi au combattant fi sabilillah la zakat, même s'il est riche, car il œuvre dans l'intérêt des musulmans. Et ça, c'est une règle. C'est une règle. Toute personne œuvrant dans l'intérêt des musulmans a droit de bénéficier de la zakat, même s'il est riche. Comme on l'a vu pour l'employé, comme on a vu dans l'Il-Amilin Aliha, donc celui qui travaille pour la collecte de la zakat, il travaille dans l'intérêt des musulmans, donc on peut lui payer la zakat même s'il est riche. On peut lui faire payer son salaire de la zakat même s'il est riche. Et la même chose pour celui qui, comme on venait de voir, celui qui fait la médiation pour deux groupes de musulmans prêts à s'affronter. Donc c'est dans l'intérêt des musulmans. Donc celui-là aussi, on peut lui verser la zakat. On peut lui verser la zakat même s'il est riche. Donc ça, c'est une règle. Toute personne qui œuvre dans l'intérêt des musulmans, il est permis donc de lui verser la zakat, même si il est riche. Et la dernière catégorie, Wabnis Sabil, qu'on pourrait traduire littéralement par l'enfant de la route ou du chemin. Il s'agit ici du voyageur en détresse. Et on l'appelle comme ça, car c'est un habitué. Enfin, on l'appelle comme ça parce que c'est une habitude chez les Arabes. Et pas que chez eux d'ailleurs. Même ici chez nous, ça se dit l'enfant de l'eau, par exemple. L'enfant de l'eau, ça se dit ici chez nous. Ibn al-Ma, et ça se dit aussi chez les Arabes. Ibn al-Ma, ça se dit aussi chez les Arabes. Ici chez nous, il y a certaines personnes, on peut les appeler l'enfant de l'eau. Ou l'homme de l'eau. Ou l'homme de l'eau. Donc, chez les Arabes, quelqu'un qui est tout le temps dans l'eau, en mer, par exemple, on peut l'appeler Ibn al-Ma. Comme un pêcheur, par exemple, on peut l'appeler comme cela. Et donc, le voyageur, de manière générale, qui se trouve en détresse, on l'appelle comme ça, Ibn Sabil. Ibn Sabil. Donc, si donc un voyageur se retrouve bloqué durant son voyage, ayant épuisé ses provisions et les moyens lui permettant de rejoindre sa destination, ou bien son véhicule est en panne, ou ce genre de choses, on utilise donc l'argent de la zakat pour lui permettre de rejoindre sa destination. Et on lui permet donc de rejoindre sa destination ou son pays. Et même s'il est riche dans son pays ou dans son lieu de résidence, il bénéficie donc de la zakat étant en détresse, étant dans cette situation. Et là aussi, on n'est pas tenu donc de lui remettre l'argent parce que, comme tout se citait à partir de Wafir Riqab, donc c'est le circonstanciel qui est employé et donc c'est sa situation qui est concernée. Il n'est pas la zakat ne lui est pas destinée, elle est destinée donc à gérer sa situation. Donc dans ce cas-là, donc cher Ibn Taymin, il dit qu'il n'y a pas il n'y a pas de mal à lui donner, mais bon, c'est pas C'est pas si on s'il n'est pas à la base, c'est pas l'argent lui est pas destiné à la base. Donc on peut lui payer un billet d'avion, on peut dépanner sa voiture, lui mettre du carburant, lui acheter des provisions, ainsi de suite, lui payer un ticket de bus, lui payer je sais pas moi. Donc on peut donc faire les dépenses qu'il faut pour qu'il puisse rejoindre son pays et sa destination. On peut donc faire les dépenses lui permettant d'arriver à destination sans avoir ou sans devoir, sans avoir besoin forcément de lui remettre cet argent-là à lui. Voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait dire concernant ces 8 catégories et l'imam Ibn Qudama donc il ramène l'ijma donc concernant le fait que il n'y a pas de divergence donc entre les savants concernant ces 8 catégories. Il n'y a pas de divergence entre les savants donc concernant ces 8 catégories. On s'arrête ici pour cela. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.